La directrice par Léon Frappier. On l'appelait la terrible Madame Grude, quoique ne fût nullement laide ni désagréable, loin de là. 45 ans léger, grande, bien faite, les traits réguliers, ennoblis par le diadème à peine dédoré d'une opulente chevelure, elle avait une voix lente, harmonieuse et des manières hautement aimables. C'étaient ses yeux, limpides comme des miroirs, qui la rendaient terrible. Madame Grude ne mentait jamais, ne voilait même jamais sa pensée. Aussi avait-elle un regard droit, soutenu, imperturbable, que le phénomène de la franchise empêchait d'être effronté ou agressif. Et devant cette clarté sans ombre, voilà qu'il devenait impossible de dissimuler. Deux miroirs magiques saisissaient votre pensée vraie, qui ne vous appartenait plus, et s'énonçaient, pour ainsi dire, toute seule. Or, cette sincérité obligatoire déconcertait le monde et faisait Madame Grude effrayante, car en général, on aime bien ne laisser sortir ses idées que déguisées, plus ou moins. La terrible Madame Grude était directrice d'une école de filles, laquelle passait à bon droit pour être la mieux tenue du département. Toutes les élèves indisciplinées comparaissaient devant Madame la directrice, et c'était à croire qu'elle avait trouvé la balance de Thémis elle-même dans les pièces du compendium scolaire, tellement sa justice faisait la part exacte du pour et du contre. Mais ses arrêts étaient sans appel. Or, s'il est possible de tricher sur les punitions telles que devoirs supplémentaires qui se font à la maison, il en était une sur laquelle les élèves ne trichaient pas chez Madame Grude. La classe normale terminait à 4 heures, étant prolongée facultativement jusqu'à 6 heures. La punition en usage, pour les élèves libérables à 4 heures, était la retenue pendant tout ou partie de la classe de garde. Une fois la peine de la retenue prononcée, c'était, disait-on, comme si le notaire y avait passé. Les parents avaient beau se déranger, venir présenter n'importe quelle requête ou excuse, la dissiper n'y gagnait pas une minute de grâce. Il était de notoriété absolue que M. l'inspecteur d'académie, directeur de l'enseignement primaire, n'aurait pas obtenu la levée d'une punition méritée et, par Dieu, si M. le préfet avait eu sa fille consignée chez Mme Grude, il aurait attendu que l'heure fût sonnée pour l'emmener. Mme Grude était une fanatique pour le bon motif. Elle avait foi en la règle. Elle aimait par-dessus tout son autorité, son infaillibilité, et il semblait que le jour où elle ne serait plus directrice, sa vie déclinante n'aurait plus aucun but. L'hiver dernier, un soir, à 5 heures, la jeune Louise Moreau vint frapper à la porte du cabinet directorial. La terrible Madame Grude était assise dans un fauteuil, derrière un imposant bureau encombré de paperasses. Dès que la porte fut ouverte, ses yeux, comme par l'éblouissement d'un rayon de soleil, immobilisèrent l'enfant sur le seuil. Louise Moreau offrait un type commun de fillette à figure intelligente, vieillotte et affectueuse. Une douzaine d'années, pas grande, mince comme un garçon. Ses cheveux bruns accentuaient encore le sérieux de sa physionomie. Elle portait des vêtements très propres, rallongés au détriment de la forme et bien assortis de nuances. Le noir du tablier, du jupon, des bas, avait passé au gris à force de lavage. La directrice reconnut de suite Louise Moreau et se rappela que, la mère étant morte, cette mignonne devenait, après les heures de classe, une ménagère entendue qui préparait les repas du père, soignait la sœur cadette, tout en raccommodant le linge, ce qui n'empêchait pas d'avoir de bonnes notes pour ses leçons et ses devoirs. À l'école aussi, elle était la mère de sa petite sœur. Pour le déjeuner à la cantine, elle installait le couvert sur un journal bien étalé. « Parce que, vous aura dit Louise, le bois des tables, les mieux nettoyés, est toujours un peu gras. Et parce que le fait de mettre une nappe pour manger implique une tenue, un décorum bon à garder soi-même et inculquer aux enfants. » Elle sortait du panier la bouteille d'eau rougie, les tartines de pain y attachait la serviette de la cadette. Celle-ci, sans hésiter, prenait et rompait la plus grosse tartine. L'aînée, de son doigt mouillé, ramassait soigneusement les miettes sur le papier. Le pain est une chose sacrée, malheur au prodigue qui en laisse perdre une parcelle. La première tartine finie, la grande sœur partageait encore, faisait boire la gamine, puis lui passait de l'eau sur la figure et sur les mains, arrangeait ses cheveux ébouriffés, reboutonnait son tablier. Pendant la récréation, la raisonnable galopait à la suite de la turbulente. Elle veillait, pleine d'angoisse, à ce que les vêtements ne fussent pas déchirés dans des jeux trop violents. La directrice, dont l'intransigeance en matière de punition était si étonnante et correspondait peut-être à une pédagogie surannée, offrait une autre marque de caractère non moins extraordinaire et qui, celle-là, ne relevait pas du temps passé. Elle aimait les élèves difficiles à conduire. Louise Moreau lui plaisait parce qu'elle était de bonne race française, emportée, audacieuse, et qu'elle ne pouvait pas voir un abus sans protester. Par exemple, elle se rappela sans mécontentement cette petite scène de la veille. Une adjointe avait confisqué des noix à une élève. C'était le règlement, mais elle eut tort de persifler. « Voilà un régal. Les maîtresses aiment bien les noix. »« Les singes aussi, madame. » riposta Louise Moreau, solidaire de la camarade, et qui, souriant bien en face, penchait la révérence la plus gracieuse et la plus impertinente. « Avancez, mon enfant, » insista la terrible madame Grude. « Comment se fait-il que vous soyez encore ici à 5 heures, et votre dîner ?»« Madame, je suis allée mettre ma soupe au feu, et je reviens pour vous demander d'abréger la punition de ma sœur en retenue jusqu'à 6 heures. » Cette démarche était tellement exorbitante que la directrice répondit avec sérénité comme à une demande impossible, inimaginable. « Vous savez, ma fille, que je n'abrège jamais les retenues. Il est inutile d'y penser. » La petite, pour se donner une contenance, s'était mise à tourner son porte-monnaie tout plat entre ses doigts. « Madame, reprit-elle, c'est aujourd'hui la paye pour papa. Si nous ne sommes pas à l'attendre à la sortie de l'atelier, il ira faire une partie avec les camarades et je suis déjà en retard chez le boulanger. » Le mouvement pourtant bien simple du porte-monnaie vide fit abaisser les yeux de la dame, qui, mal assise sans doute, remua dans son fauteuil avant de continuer la conversation. « C'est bien, mon enfant, je reconduirai moi-même votre sœur à 6 heures. »« Madame, insista la petite, si je vais seule au-devant de papa, j'ai beau le tirer par le bras, ses camarades le prennent de l'autre côté, ils sont plus forts, ils finissent par l'entraîner. »« Alors, père, me dit, « va chercher ta sœur, vous me retrouverez au coin. » Et madame, il perd toujours à la manie. Tandis qu'autrement, si nous sommes deux, dès qu'il sort, ma sœur lui saute au cou et moi je prends l'argent dans sa poche. Décidément, madame la directrice était mal assise dans son fauteuil, car elle s'agita longuement. La petite attendait, portant ses yeux alternativement de la pendule à la terrible dame et continuant à faire tourner son porte-monnaie vide entre ses doigts. Sans doute, il y avait une espèce d'exorcisme dans ce mouvement de porte-monnaie, car la directrice, par deux fois sur le point de parler encore, s'arrêta, les yeux gênés et la tête reculée. Enfin, elle se leva et, suivie de l'enfant, se rendit à la salle de retenue. Sur le seuil, elle prononça ces simples mots. « Mesdemoiselles, vous pouvez vous en aller. » L'effet atteignit au prodige. L'adjointe de service qui écrivait au tableau noir lâcha la craie de saisissement. Madame la directrice avait-elle perdu la raison? Quant aux élèves, elles étaient ahuries au point de n'oser point quitter leur place. Et alors, à cause de cet unique fléchissement, il fallut accorder d'autres levées de punition. À cause du motif de Louise Moreau accepté, il y eut d'autres motifs qui parurent acceptables. À cause d'une exception, la règle fut en quelque sorte détruite. Au commencement de l'année, la terrible madame Grude a demandé sa mise à la retraite. De temps en temps, quand la petite Moreau est très en retard chez le boulanger, une personne charitable acquitte la pauvre dette. On ne sait pas qui. C'était la directrice par Léon Frappier.